Fadjet, c'est l'été en Lorraine. L'association de sauvegarde et de promotion de la forêt de haies organise avec d'autres associations et partenaires la fête de la forêt de haies enchantée. Ce sera le 25 août. Sylvie Cunin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association de sauvegarde et de promotion de la forêt de haies. Oui. Expliquez-nous un peu le concept. C'est la première fois déjà que c'est organisé, cette fête? Alors oui, c'est la toute première fois que nous organisons ce type de fête. L'objectif, c'était de mettre en valeur la forêt de haies dans son ensemble, puisque c'est 11 400 hectares, ainsi que le parc de loisirs et toutes les associations et les métiers qui gravitent autour. À partir de quel constat vous vous êtes dit, il faudrait qu'on organise quand même une fête, puisque ça n'existait pas avant? Alors, on s'est rendu compte que beaucoup de gens connaissaient la forêt de haies, mais pour eux, la forêt de haies, ça se résume, à part les sportifs, qui la fréquentent énormément, et les communes autour, mais sinon, ça se résume essentiellement au parc de loisirs. Alors que cette forêt-là, elle est immense, elle va de Ludres jusqu'à Liverdun, en longeant les boucles de la Moselle. Et elle a besoin d'être protégée aussi? Elle a énormément besoin d'être protégée. C'est une forêt périurbaine, donc effectivement, elle est très fréquentée. Beaucoup de gens profitent de ce poumon vert, et c'est tant mieux. Mais le fait qu'elle soit fréquentée, il y a aussi beaucoup de dégradation. Donc l'objectif, c'était aussi de parler de cette forêt, de cette chance que la Nancy et son agglomération, près 20 communes, bénéficient de cette forêt. Donc le 25 août, ce sera de 10h à 18h. Oui. De nombreuses associations, vous serez là, mais j'en ai compté 14, c'est ça à peu près, qui seront présentes avec des stands? Oui, à peu près, des associations environnementales, comme on peut en citer quelques-unes, notamment notre partenaire, Flore 54, Libre Forêt, l'OANA, qui s'occupe de la faune et de la flore de nos régions, la LPO, bien évidemment, la sauvegarde de Bellefontaine, qui est un lieu un petit peu unique au cœur de la forêt de haies, l'association Sauvons nos coteaux de Ludres, l'association Floraine, qui œuvre pour les plantes et qui proposera effectivement des ateliers reconnaissance, société mycologique, le CPIE aussi, qui œuvre pour faire connaître la nature et l'environnement à tout le monde, puis bien d'autres encore. Donc de nombreuses associations qui vont nous permettre de mieux connaître la forêt de haies et puis la nature qu'on côtoie régulièrement, mais aussi plein d'animations sur place à destination des familles. Cette fête de la forêt de haies enchantée, elle se veut festive et accessible à tous. Donc déjà, l'entrée est gratuite. Seules quelques activités seront payantes avec réduction. Mais sinon, effectivement, elle se veut festive. Donc on proposera beaucoup d'activités en faveur des jeunes et des moins jeunes, comme par exemple des baptêmes de poney, des descentes en rappel organisées par Velaine Évasion, du lancer de hache, de l'acrobranche, il y aura bien sûr le mini-golf de la forêt de haies, des ateliers culinaires avec les produits qu'on trouvera sur place, des séances de sylvonature, des balades découvertes de la faune. Et il y aura également une conteuse qui nous amènera un petit peu au cœur de la forêt pour nous faire un petit peu rêver ou nous faire peur. On aura également un sculpteur à la tronçonneuse qui sculptera une mascotte qui restera au parc de loisirs. Il y a également un débardeur à cheval qui, toutes les heures, montrera comment on peut débarder une forêt avec un cheval. Il y aura aussi des exercices d'acrobatie aérienne, beaucoup d'activités dans ce sens-là. Ce sont toutes des gens qui œuvrent au cœur de la forêt qui vont proposer ces animations. Et il y aura aussi un peu de musique, je crois. Et puis, comme ça se veut festif, nous avons deux groupes de musique, les Culs Trempés, qui animeront une partie de la fête, et puis les Street Bakers, qui seront près du food truck, et également Chorale Cœur à Corps, qui viendront animer cette fête. Et puis, comme c'est une fête, il y aura également une buvette, on aura de quoi se restaurer, petite restauration, un glacier, Il ne nous manquera plus que le soleil, si celui-ci veut bien venir. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Donc, on vous donne rendez-vous le dimanche 25 août de 10h à 18h. On peut y aller de manière très libre, il n'y a pas besoin de réserver. Oui, il y a des parkings, aucun problème. C'est accessible. Il y a la piste cyclable aussi qui arrive. Voilà, une belle occasion de démarrer cette rentrée 2024-2025 de manière festive et dans la nature. Merci beaucoup, Sylvie Cunin. Eh bien, merci à vous.